La musique. La musique souvent me prend comme une mer. Vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. La poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile, j'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voile. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent, d'autrefois, calme plat, grand miroir de mon désespoir.